إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله عز وجل a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens. Et il dit en ce sens dans son noble livre Alif Lam Mim, dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Alif Lam Mim, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidée pour les pieux. Et il dit subhanahu wa ta'ala aw taqulu law anna unzila alayna al-kitab la kunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa huda وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve, guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous guiderons, nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Al-Imam al-Sa'di rahimahullah a dit, ces versets contiennent la preuve que la science du Coran est la science la plus honorable, la plus vaste et la plus bénie, et que par elle survient la guidée sur le droit chemin, une guidée complète qui n'a pas besoin des pensées des philosophes, ni d'aucune autre science des anciens et des présents. Et Allah Azza wa Jal dit, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre que pour que tu leur éclaircisses ce sur quoi ils divergent, et en tant que guidée et miséricorde pour des gens qui croient. Et le Coran éclaircit toutes choses. Allah Azza wa Jalla dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme éclaircissement de toutes choses et comme guidée et miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. As-Sa'di a dit, éclaircissement de toutes choses dans les bases de la religion et ses branches, et dans les jugements de cette vie et de l'autre, et tout ce dont les serviteurs ont besoin. Il éclaircit de la façon la plus complète, par des termes clairs et des sens lumineux, au point où Allah cite plusieurs fois les choses importantes dont le cœur a besoin, du fait qu'il y est confronté en permanence, et les répète par des termes différents et des preuves diverses, afin que cela s'enracine dans les cœurs, et que ça amène au bien et à la piété, selon la force de son enracinement dans le cœur. Et au point où Allah réunit en peu de termes clairs de nombreux sens. Ainsi, du fait que ce Coran est un éclaircissement de toutes choses, il est devenu l'argument d'Allah sur tous ses serviteurs. Par lui, les injustes n'ont plus d'arguments, et les musulmans en profitent, et il est devenu pour eux une guidée par laquelle ils se guident dans les affaires de leur religion et leur vie mondaine, et il est devenu une miséricorde par laquelle ils atteignent tout bien dans cette vie et l'autre. Ainsi, la guidée est ce par quoi ils atteignent la science utile et l'acte pieux, et la miséricorde est ce qui découle de cela comme récompense dans cette vie et dans l'autre, comme l'amélioration du cœur, salah al-qalb, sa piété et sa quiétude, la perfection de la raison qui ne survient qu'en l'éduquant sur ses sens, c'est-à-dire les sens des versets du Coran, qui sont les sens les plus élevés, et les actes nobles et les bons comportements. La vaste subsistance, le secours contre les ennemis par la parole et l'acte, l'atteinte de l'agrément d'Allah et son énorme grâce dont nul ne sait ce qu'elle contient comme délice éternel à part le Seigneur miséricordieux. Et Allah Azza wa Jal dit ma farratna fil kitab min shay, nous n'avons rien omis dans le livre. Et Allah Azza wa Jal dit inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. As-Sa'di a dit, c'est-à-dire aux croyances, actes et comportements les plus élevés et les plus équitables. Celui donc qui se guide par ce à quoi appelle le Coran sera parmi les personnes les plus complètes et les plus guidées en toutes choses. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Celui qui s'accroche au livre d'Allah Azzawajal est protégé de l'égarement et de la perdition. Comme Muslim le rapporte dans son Sahih d'après Jabir radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors du pèlerinage de l'adieu, Hajjatul Wada', وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَدِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اِعْتَسَنْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ. J'ai certes laissé parmi vous ceux avec quoi vous ne vous égarerez pas, si vous vous y accrochez, le livre d'Allah. Et Ibn Abi Shayba rapporte dans son Musannaf, d'après Abu Shuraih al-Khuzai, radiallahu anhu, qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sorti et nous dit Abshiru, abshiru, alaysa tashhadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, ne témoignez-vous pas qu'il n'y a d'adorer légitime à part Allah et que je suis le messager d'Allah. Ils dirent oui. Il dit fa inna hadha al-Qur'an sabab tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bih fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Ce Coran est un lien. Son extrémité est dans la main d'Allah et son autre extrémité dans vos mains. Alors accrochez-vous-y, car vous ne vous égarerez pas et vous ne vous perdrez pas. Après lui, vous ne vous perdrez plus jamais. Et le hadith a été jugé hassan par Ash-Shir Mourbil fi Sahih al-Musnad. Et Ibn Majah rapporte d'après Al-Arbad ibn Sariya radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qad taraktukum ala al-bayda » et dans le royal « ala al-mahajjati al-bayda » Layluha ka nahariha la yaziru anha ba'di illa halik. Je vous ai laissé sur la voie blanche, son jour est comme sa nuit, ne s'en égare après moi que le perdu. Et le hadith est hassan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait d'innover en disant fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah. Accrochez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Et c'est-à-dire la même sunna. Elle est unique, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires. Et ça montre le fort attachement que doit avoir le muslim envers la sunna. Car il ne tient pas avec le bout des dents, mais avec les molaires. Et ça, celui qui tient avec les molaires, c'est dur de lui enlever. Et prenez garde aux choses nouvelles. Car les choses nouvelles sont, toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez, n'innovez pas, car ça vous suffit. C'est-à-dire, ils vous ont éclairci la voie, vous n'avez qu'à suivre. Et Al-Qadi Iyad a cité dans Al-Shifa de l'imam Malik ibn Anas, en citant du livre Al-Mabsout, qui est un livre perdu, qu'il a dit, c'est-à-dire on n'a pas la chaîne jusqu'à l'imam Malik, mais la parole est connue, que l'imam Malik, rahimahullah, a dit « Wa la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha » et rien n'améliorera les derniers de cette communauté à part ce qui a amélioré les premiers. Et Allah Azza wa Jal dit « Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa'innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami' al-alim » S'ils croient en ceux en quoi vous avez cru, c'est-à-dire les sahaba, si les gens d'après eux croient en ceux en quoi ont cru les sahaba, ils seront bien guidés. Et s'ils se détournent, alors ils seront dans une scission. Et Allah te suffira d'eux, et c'est lui l'entendant et le savant. Ainsi, le suivi des croyants pieux parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien est une base de notre dîn. Et c'est cela qu'Allah agrée Azza wa Jal en disant والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et les premiers, ceux qui ont précédé parmi les muhajirin, ceux qui ont émigré, et les ansar, les auxiliaires, c'est-à-dire les gens d'Al-Madina, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement, et c'est ça l'énorme récompense. Et c'est également une sunna des messagers. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Ulaika alladhina atainahum al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qawman laysu biha bikafirin Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum muqtadih. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie, c'est-à-dire après que Allah a cité des prophètes. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. Et Allah a blâmé le fait d'innover dans sa religion, ce qui n'a pas permis. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah » Ont-ils des associés qui ont légiféré, qui leur ont légiféré dans la religion ce que Allah n'a pas permis? Et il dit, subhanahu wa ta'ala, قل أأنتم أعلم أم الله dit, est-ce que vous êtes plus, est-ce que vous savez mieux ou Allah? Et Allah Azzawajal dit, car celui qui innove, c'est comme s'il dit avec l'isan al-hal, c'est-à-dire c'est comme s'il était en train de dire, je connais mieux, car cet acte dont je n'ai aucune preuve, eh ben avec cet acte, je vais me rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc est-ce toi ou Allah Azzawajal qui connaît mieux? Et Allah Azzawajal dit, قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Dis, est-ce que vous enseignerez à Allah votre religion alors qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre et Allah est connaisseur de toutes choses. Et donc parmi les paroles innovées de notre époque est la parole de Mohamed Rashid Rida qui a été reprise par Hassan al-Banna, le fondateur des Al-Ikhwan al-Muslimin, qui est نتعاونوا فيما اتفقنا عليه وَيَعْدُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ. Nous entraînons dans ce sur quoi nous sommes d'accord et on se pardonne les uns les autres sur ce sur quoi nous sommes en désaccord. Mohamed Rachid Rida est un homme qui est né en 1865 à Tripoli au Liban et il est mort au Caire en 1935. Et parmi ceux qui l'ont critiqué de notre époque, Ash-Shir Mughbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmahullah, Imam Diyar al-Yemeniya, et il l'a cité dans plusieurs de ses livres, et parmi ses livres, son livre Rudud al-Ilm al-Ta'inina fi Hadith al-Sihr, wa Bayan Bord Muhammad Rashid Rida al-Salafiyya, les réfutations des gens de science sur ceux qui critiquent le Hadith du Sihr, c'est-à-dire le Hadith de Aïcha dans les deux Sahih, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Car certains, ils ont rejeté ce Hadith en disant comment on va dire que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été ensorcelé. Et il n'y a aucun problème en ça, le hadith est authentique et les savants sont unanimes sur le fait que ça n'a pas touché à la révélation, c'est-à-dire il n'a pas dit des choses qui ne lui avaient pas été révélées. Et donc l'éclaircissement, il a éclairci dans ce livre l'éloignement de Mohamed Rachid Rida de la salafia, et il démontre à son cas du fait que certains se firent leurrer par lui et le placèrent parmi les salafis, parmi les savants. Et la règle bien connue, c'est que celui qui sait, il est un argument sur celui qui ne sait pas. Et celui qui vient avec une critique détaillée sur la personne, il prévaut. Et il a dit, cher Mobil, sur lui, ça ne suffit pas que Mohamed Rachid Rida prétende combattre le suivi aveugle, alors qu'il est l'un des grands suiveurs aveugles de Jamal ad-Din al-Afghani et Mohamed Abdou. Et ça ne suffit pas qu'il prétende combattre le polythéisme et les innovations, alors qu'il altère le livre d'Allah. C'est-à-dire, il change l'essence. Et rejette la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui ne s'accorde pas avec les pensées de Jamal ad-Din et Mohamed Abdou. La louange est à Allah, les prétentions ne sont pas suffisantes pour nous et il est nécessaire qu'on voit les preuves et la droiture et le fait de suivre la voie des prédécesseurs. Wallah al-musta'an. Fin de citation. Et parmi les égarements de Mohamed Rachid Rida, qui compte parmi les inspirateurs de Hassan al-Banna, Sher Mobil dit, il y a des choses qui démontrent que Jamal ad-Din Al-Afghani est un franc-maçon. Et il a dit, et en plus de cela, il a détourné un grand nombre de preuves et a réfuté un grand nombre de miracles prophétiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela en voulant attirer les athées et en faisant plaisir aux athées, car les athées, ils ne croient pas aux miracles. Quant aux musulmans, lui, il sait que les prophètes, ils ont des miracles. Et il est obligatoire de croire en ça. Il dit, et a détourné un grand nombre de jugements, et il a égaré Mohamed Abdou al-Misri, c'est-à-dire Jamal ad-Din, et Mohamed Rachid Rida. Fin de citation. Et il dit au sujet de la parole d'Allah, c'est-à-dire Mohamed Rachid Rida, dit au sujet de la parole d'Allah dans son tafsir nommé Al-Manar, il a un tafsir appelé Al-Manar, que Cheikh Mobil a renommé Al-Dhalam, c'est-à-dire l'obscurcissement. C'est pas une lumière, mais c'est une obscurité. Il dit sur la parole d'Allah Azzajal, Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum inna Allah ladhu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur demeure en étant des milliers par peur de la mort? Allah leur dit, mourez, puis les fit revivre. Allah détient la grâce pour les gens, mais la plupart des gens ne sont pas remerciants. Il dit qu'il n'est pas nécessaire que ceci ait eu lieu. C'est-à-dire que cette histoire que Allah Azzawajal nous a citée, il dit, c'est pas obligatoire que ça ait eu lieu, mais c'est juste quelque chose pour que les gens ils comprennent. C'est comme un exemple, c'est comme une fable, et c'est, mais ça n'a pas vraiment eu lieu. Donc ça, c'est démentir le Coran. Parce que Allah Azza wa Jal, c'est comme si Allah Azza wa Jal, il venait avec du mensonge, wa l'iyadu billah. Et il prétend également qu'il n'y a pas de preuve que l'humanité découle d'Adam, alayhi salam, et que cela est la parole des Juifs, et que les Chinois remontent plus loin dans l'histoire de l'humanité et s'affilient à un autre qu'Adam, alayhi salam. Et il n'émet aucun blâme à l'encontre de ceux qui disent que l'homme découle du singe, wa l'iyadu billah. Et ça, c'est un kalam de kufr qui est enseigné dans les écoles en Occident, qui est de dire que l'être humain il découle du singe et qu'il y a eu l'évolution. Et ça, ça montre que ce ne sont pas des cultures chrétiennes, car le chrétien il dit pas que l'homme il descend du singe. Et il dit sur la parole d'Allah à Ibrahim concernant sa demande, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Puis après Allah Azza wa Jalla dit, fakhud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, coupe-les, puis sur des monts séparés, maisons en fragments, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Il appuya dans son tafsir le fait qu'il ne s'agissait que d'oiseaux apprivoisés et qu'il ne les a pas tués. C'est-à-dire, il les a juste apprivoisés et après il les a mis sur des montagnes et ensuite, quand il les a appelés, ils sont venus. Et ça, c'est une réfutation des miracles prophétiques que Ibrahim a eu et qu'Allah Azza wa Jalla lui a montré comment il fait ressusciter les morts. Et il dit concernant le Dajjal que ce n'est qu'une désignation des fables, le mensonge et les perversités qui disparaîtront avec l'application de la charia de la façon convenable. C'est-à-dire, il ne voit pas que le Dajjal, c'est vraiment quelqu'un qui foulera la terre, comme c'est venu dans tous les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapportés et en quels on a foi. Lui, il dit non, c'est juste, ça veut dire le mauvais, le mal qui sera sur terre. Et en fait, ça disparaîtra avec Isa. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un que Isa tuera. Walayyadu billah. Et il critique également les hadiths concernant le mardi. C'est-à-dire, il ne croit pas en le mardi. Et cela, tout ce qui est la base de leurs mots, c'est qu'ils ont mis la raison avant ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna, walayyadu billah. Comme les philosophes. Et il dit sur la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, et bien nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Il dit dans son tafsir al-Mana qu'ils n'ont pas été vraiment transformés en singes. C'est-à-dire, il dit que c'est juste leur cœur. Ils sont devenus comme des singes dans la façon d'être, mais leur forme, elle est restée humaine. Et il voit que le musulman qui consomme l'usure, la riba, il reste éternellement en enfer, de même que le meurtrier. Walayyadu billah. Et il critique également le miracle de la coupure, c'est-à-dire que la lune s'est fondue en deux, comme Allah Azza wa Jalla dit, iqtarabati sa'a wa inshaqqa al-qamar. L'heure se rapproche et la lune s'est fondue. Et ça, c'est un miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à Quraysh, que la lune s'est fondue en deux. Et ils ont tous vu ça. Ça, il critique et il met en doute de façon globale les miracles prophétiques. Et il voit qu'il est permis de penser que les microbes sont une sorte de djinn. C'est-à-dire que les djinns, c'est pas une race, mais que c'est les microbes, on les voit pas. Et le fait de nier l'existence des djinns est la parole des philosophes. Pour revenir à sa parole, donc, نَتَعَاوَنُوا فِي مَتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ. Donc sa parole est composée de deux parties. La première, وَنَتَعَاوَنُوا فِي مَتَّفَقْنَا عَلَيْهِ. Nous nous entraidons sur ce sur quoi nous sommes d'accord. Donc il faut savoir que l'unanimité de la Oumma, c'est une hujja, c'est un argument par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami ummati ala dalala. Ma communauté ne sera pas unanime sur un égarement. Mais le problème, c'est que le nous, quand il dit nous nous entraidons, ça renvoie à leur cercle d'innovateurs, dont l'unanimité n'a aucun poids en islam. C'est-à-dire ils sont juste une partie de la Oumma. Et le fait qu'ils soient d'accord sur une chose, ça indique rien du tout. Et ils n'ont voulu par là que le fait d'avancer ensemble vers un objectif commun sur lequel ils se sont mis d'accord, suivant en cela le grand objectif de la franc-maçonnerie qui est de faire avancer l'humanité comme ils le prétendent. La franc-maçonnerie, al-maçonnia, ils veulent faire avancer, quelle que soit la personne, les gens qui se mettent avec eux, ils veulent que ça avance. Et ça, ça rejoint. C'est-à-dire, ils s'entraident sur ce sur quoi ils sont d'accord et khlas, ils avancent sur ça. Que ça soit en accord avec le kitab et la sunna ou en désaccord. Billah. Et cet acte ne diffère en rien de l'acte de tout groupe mécréant, parti politique, association, etc. De ce fait, ils ont inclus en leur sein toute personne acceptant cette règle parmi les égarés, se réclamant de l'islam et même les mécréants. Et le fait de s'assembler en parti ou en association est une des bases de la Ikhwaniyya et est conforme au protocole des sages de Sion, où il y est écrit au 10e protocole, et ça, waliyadu billah, c'est un mot, un mal, un grand mal qui a touché la Ummah et plus incroyablement ceux qui se réclament de la Sunna, c'est leur multiplication en association, waliyadu billah. Il est dit dans les protocoles des sages de Sion, qui est un écrit célèbre des sionistes, ils disent, il est de la plus haute importance pour notre politique de ne pas perdre de vue le détail ci-dessus mentionné qui nous sera d'un grand secours lorsque nous discuterons des questions telles que la répartition des pouvoirs, la liberté de la parole, la liberté de la presse et de la religion, le droit d'association, etc. Et c'est un écrit qui a été rédigé au 19e siècle. Et lorsqu'on le lit, on voit exactement son application à notre époque. Et il y est dit également sur l'impuissance des partis. Peut-elle servir de défense contre un ennemi étranger? C'est impossible, car un plan divisé en autant de partis qu'il y a de cerveaux dans la masse perd sa valeur et devient inintelligible et inexécutable. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent que les gens se divisent en groupes et en associations. Et la règle juste en islam est comme Allah Azza wa Jalla a dit dans son noble livre, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et il est obligatoire aux musulmans de s'entraider sur ce que nous enjoint la charia, pas ce qui émane des passions, même si des groupes s'y assemblent et sont nombreux à les suivre. C'est-à-dire, une partie de la Ummah, s'ils s'assemblent sur une chose qui émane de leur passion, et que ça s'oppose au Coran et à la Sunna, en aucun cas il faut les suivre. Waliyadu billah. Allah Azza wa Jal dit, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal t'étonne. Craignez Allah donc, gens intelligents, afin que vous réussissiez. Et Muslim rapporte d'après Umayl ibn Hani qui a dit, j'ai entendu Muawiya radiyallahu anhu sur le minbar dire, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta yati amrullah wa hum dhahiruna 'ala an-nas. Un groupe de ma communauté ne cessera pas d'être sur l'ordre d'Allah, ne leur causera pas de tort celui qui les abandonne ni celui qui s'oppose à eux jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire l'heure, et ils seront apparents sur les gens. Et c'est ce groupe, même s'il est peu nombreux, qui est sur la vérité. Et dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, dans les deux sahihs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa du mal qui aura lieu. Hudhayfa lui dit, est-ce qu'il y aura du mal après ce bien? C'est-à-dire il lui parla du mal, puis du bien qui revient. Et il lui dit, est-ce qu'il y aura du mal après ce bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, na'am du'atun ala abwab jahannam. Man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Oui, il y aura des prêcheurs aux portes sur les portes de l'enfer. Et les appelés prêcheurs, ils prêchent. Et comme ça va venir après, ils font partie de la Ummah. Et ils parlent au nom de l'islam. Des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui leur répondra, ils le jetteront dedans, c'est-à-dire en enfer. Hudhayfa dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Il dit, hum min jildatina wa yatakallamuna bi al-sinatina. Ils sont de notre peau et parlent notre langue. C'est-à-dire, ils font partie des gens de l'islam. Il incombe donc de prendre garde à ces prêcheurs contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et qui parlent au nom de l'islam, mais viennent avec des égarements et des innovations dans leurs croyances, leurs paroles et leurs actes. Et Allah a ordonné de s'assembler sur la vérité et de ne pas diverger. Allah azza wa jalla dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et comprenez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne divergez pas. Et ça a été dit que le câble d'Allah c'est le Coran, ou ça a été dit l'islam, ou la ilaha illallah, et tout ça ce sont des sens qui reviennent à la même chose, c'est la religion. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa la takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et ont été des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Et il dit, Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis et ont divergé après que leur soit venue l'épreuve. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Et Allah Azzawajal a interdit de suivre les passions des gens. Donc encore moins de s'y rassembler et de s'entraider là-dedans. Allah Azzawajal dit وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Et si tu suivais leur passion après ce qui était venu comme science, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, tu n'aurais en dehors d'Allah aucun allié ni secoureur. Et Allah dit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَن يَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, c'est-à-dire le Coran, il prévaut sur tous les autres livres. C'est-à-dire si les autres livres, comme l'Injil ou la Torah, ils n'étaient pas altérés, bien qu'ils soient altérés comme Allah Azzawajal nous a informé, s'ils n'étaient pas altérés, le Coran prévaudrait quand même sur eux et ce serait juste le Coran qui nous suffirait. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah Azzawajal qui est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion. Et prends garde. Allah Azzawajal répète cet ordre important. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leur péché. Beaucoup de gens certes sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Et Allah Azzawajal dit ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, c'est-à-dire on t'a donné une sharia, une législation. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns les autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Et celui avec qui Allah est, il n'a besoin de personne. Ceci, le Coran, constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Et Allah Azzawajal dit وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a dit que Mujahid Abu Salih et As-Suddi ont dit que Al-Haq, c'est Allah Azzawajal dans cette ayah. Et ce qui est voulu, c'est que si Allah Azzawajal leur avait accordé ce qu'il y a dans leurs âmes comme passion et qu'il avait fait les choses selon, en accord avec leur passion, alors les cieux et la terre seraient corrompus ainsi que tous ceux qui s'y trouvent à cause de la corruption de leur passion et de leur divergence. Donc en aucun cas, le fait d'être d'accord pour un groupe, ça n'indique une vérité. Mais ce qui est conforme au Coran et la Sunna, alors c'est la vérité, et ce qui est en désaccord, ce qui s'y oppose, alors c'est le faux. Ensuite, la deuxième moitié de la règle, وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِي, et nous nous excusons mutuellement sur nos désaccords. Cette parole innovée contredit totalement ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a ordonné aux djinns et aux êtres humains de l'adorer seul et sans associé, et de se soumettre à lui, et de lui obéir en tout. Et Allah n'a nommé les croyants musulmans, c'est-à-dire soumis, que du fait qu'ils se sont soumis totalement à sa volonté. Allah azza wa jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô vous qui croyez, entrez dans l'islam complètement et ne suivez pas les pas du diable, il est pour vous un ennemi déclaré. Et Ibn Kathir a dit: Allah ordonne à ses serviteurs croyants qui ont cru en ses messagers de s'accrocher à toutes les anses de l'islam et ses rites, d'agir en accord avec tous ses ordres et de s'écarter de toutes ses interdictions autant qu'ils le peuvent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et que vous ne receviez alors aucun secours, et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Et parmi les choses connues de tous est qu'Allah a ordonné de suivre son livre et la sunna de son prophète et de s'écarter des passions, et il n'a pas permis à la communauté de diverger et a fait de la divergence un mal. Allah azza wa jalla dit: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et si Allah avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté et ils ne cessent de diverger, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Donc, il a montré que ceux qui ne divergent pas, ce sont ceux à qui il fait miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et le hadith اِخْتِلَافُ أُمَّةِ رَحْمَةً, la divergence de ma communauté est une miséricorde, c'est un hadith qui n'a pas de base, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chaîne, et il se trouve dans aucun livre de hadith, comme l'a démontré l'imam al-Albani, rahimahullah. Et Ibn Mas'ud a certes dit: Al-khilafu shar, la divergence est un mal. Et la divergence est également une cause de faiblesse. Allah Azza wa Jalla dit: Wa ati'u Allah wa Rasulah, wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, wa asbiru inna Allah ma'a as-sabirin. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne divergez pas, car vous fléchiriez et vous perdriez votre force. Et patientez, Allah est avec les patients. Et Allah a orienté à ce qui guérit de la divergence, qui est de revenir au Coran et à la Sunna et de se soumettre à leur jugement, en disant: Fa in tanazartum fi shay, farudduhu ila Allah wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Si vous disputez en quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et au messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Et il dit: Wa martalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Sur toutes vos divergences, ce jugement appartient à Allah. Et il dit: Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. C'est-à-dire leur cœur, il est complètement épanoui au jugement d'Allah et de son messager, et qu'ils se soumettent complètement. Voilà la foi complète. Et ce n'est pas non plus, comme disent certains, que kullu mujtahid musib, toute personne qui fait un effort, il a raison. Et donc, que tout le monde a raison. Non. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que le mujtahid, il a soit raison, soit tort. Et s'il a raison, il a deux récompenses, s'il a tort, il en a une, pour son ijtihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la divergence de sa communauté et a orienté à ce qu'il est obligatoire de suivre, en disant: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدْ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Celui qui vivra parmi vous après moi, il verra de nombreuses divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous et mordez-y avec vos molaires. Et il a démontré que 72 groupes parmi les groupes de l'islam seront en enfer. En disant kulluha finnar illa wahida. Toutes en enfer sauf un groupe. Et lorsqu'il fut interrogé dessus, il dit al-jama'a, le groupe, c'est-à-dire ceux qui sont sur la vérité, ceux qui ont suivi les sahaba dans le bien. Et cette règle de Mohammed al-Rashid Rida, cette règle diabolique, contredit ce pourquoi Allah a loué cette communauté, qui est le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Allah Azzawajal dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté sortie aux gens, c'est-à-dire vous êtes la meilleure vous êtes le meilleur des gens pour les gens. Comme l'a dit Abu Huraira radiyallahu anhu, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et il dit subhanahu wa ta'ala wal takum minkum ummah yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Et que soit ici de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, interdit le blâmable, et ce sont eux qui réussissent. Et il dit subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya wa ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres, ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, donnent la zakat et obéissent à Allah et au messager. Ceux-là sont ceux à qui Allah fera miséricorde, et Allah est puissant et sage. Et Allah a blâmé ceux qui ne s'interdisaient pas le blâme dans les communautés précédentes en disant Loïna alladina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël de la langue, de la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam. Ceci car ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'il faisait, comme est mauvais ce qu'il faisait. Et dans Sahih Muslim, que le calife Marwan se leva faire la khutbah le jour du Eid avant la salah. Un homme se leva et dit la salah avant la khutbah. Abu Sa'id dit alors Amma hada faqad qadama alayh. Quant à celui-là, il a fait ce qu'il devait faire. Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Celui qui voit parmi vous un munkar, il le change par sa main, et s'il ne peut pas par sa langue, et s'il ne peut pas par son cœur, et c'est le plus faible de la foi. Et ce n'est pas comme certains savants ont dit que celui qui change par la main, c'est le dirigeant, et celui par sa langue, c'est le savant, et les autres, c'est par le cœur. Mais celui qui est capable, comme il est venu dans le hadith, celui qui peut parmi vous, et ça englobe toute la Ummah, par sa main, il est obligatoire. Et il n'a pas le droit de faire par sa langue s'il peut faire par sa main. Allah al-Musta'an. Et dans Sahih Muslim également, d'après Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min nabi ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab yakhuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara dhalika min al-iman habatu khardal. Il n'y a pas un prophète avant moi qu'Allah a envoyé à sa communauté sans qu'il y ait eu parmi sa communauté des hawariyun, c'est-à-dire des auxiliaires qui l'aident et des compagnons qui prenaient sa sunna et étaient guidés par son ordre. Puis il y a eu après eux des communautés qui disaient ce qu'ils ne faisaient pas et qui faisaient ce qu'on ne leur demandait pas, ce qui ne leur était pas ordonné. Donc celui qui les combat avec sa main, il est croyant, et celui qui les combat avec sa langue, il est croyant, et celui qui les combat avec son cœur, il est croyant, et il n'y a pas après ça le moindre grain de moutarde de foi. Et Al-Bukhari rapporte d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَعَدَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْفُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَدَّيْتُمْ بِهِ تأديتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يدي أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوا وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. يعني l'exemple de celui qui est laxiste dans les sanctions d'Allah, dans les règles d'Allah, et celui qui y tombe, c'est comme des gens qui ont tiré au sort sur un bateau. Et parmi eux, il y en a qui ont été en haut et d'autres qui ont été en bas du bateau, dans la cale. Et ceux qui étaient en bas, ils montaient en haut pour aller prendre de l'eau. Et ils leur causaient du tort. À chaque fois, ils allaient les déranger. Donc, ils ont pris une hache et ils se sont dit, on va plus leur déranger, on va prendre nous-mêmes, en faisant un trou dans la coque. Et donc, s'ils les laissent, ceux d'en haut, s'ils laissent ceux d'en bas faire le trou dans la coque, ils périssent et ils périssent tous. Et s'ils les empêchent, alors ils sont tous sauvés. Donc ça, c'est un magnifique exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que leur donner le convenable et interdire le blâmable, c'est obligatoire à tous. Et ne pas le faire, c'est une cause de perdition de la communauté. Wa la'adhu billah. Wa nasallallahu an yaghfir lana taqsirana. Et dans Sunan Abi Daoud, qu'Abu Bakr dit, radiyallahu anhu, dit après avoir loué Allah, Ya yuhannas, innakum taqrauna hadhihi al-aya wa tad'unaha ala ghayri mawadi'iha. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. Il dit aux gens, vous récitez ce verset et vous le placez en dehors de son contexte. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. Occupez-vous de vous-même, ceux qui s'égarent ne vous causeront pas de tort si vous êtes bien guidés. Il dit, et on a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, إِنَّ النَّاسِ دَرَاوُ الظَّالِمْ فَلَمْ يَرْخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ. Les gens, lorsqu'ils verront l'injuste et ils ne l'empêcheront pas, il peut s'en faut que Allah ne les enveloppe tous dans un châtiment. وَلِيَادَ بِاللَّهِ. Et dans une riwaya, مَا مِنْ قَوْمْ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِ ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابِ. Il n'y a pas de gens qui, au sein duquel il y a des péchés et qui peuvent changer ça sans qu'ils ne le fassent et qu'ils ne le changent pas sans que peu s'en faut que Allah les englobe tous d'un châtiment. Voilà les preuves sur le fait qu'il est obligatoire à tous et il n'est pas permis d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Il n'est pas permis de se pardonner les uns les autres et que chacun continue dans sa voie. Et Cheikh Al-Abbad a dit dans son livre Appel à la bienfaisance entre les gens de la Sunna, en arabe Rifqan Al-Sunna, qui est un livre qui profite, comme l'a dit Cheikh Al-Najmi, qui l'a réfuté, qui profite aux innovateurs. Al-Abbad, c'est un savant de la Sunna, mais ce livre-là, c'est un livre qui profite aux Mubtadi'a. Et ça, c'est clair. Et Abul Hassan s'en est servi. Et s'est protégé avec ce livre, ainsi que d'autres innovateurs. Car il est venu avec des règles qui sont des règles innovées, qui ne sont pas les règles de la voie des salafs. Et l'a suivi en ça Ali Hassan al-Halabi avec son livre Minhaj al-Salaf, et Mohamed al-Raymi, surnommé Mohamed al-Imam, avec son livre Al-Ibana. Waliyadu billah. Et c'est un livre, ce livre d'Al-Abbad, qui est propagé en France. Qui est propagé en France, et il pense faire le bien en propageant ce livre, alors que c'est un livre que tout Mubtadi' peut utiliser avec n'importe quelle critique de Ahlus Sunnah envers lui. Il a dit, la position des gens de la Sunnah envers le savant lorsqu'il fait une erreur est qu'il est excusé, qu'on ne le rend pas innovateur, ni on ne le délaisse. Puis il prit comme argument trois savants, Al-Bayhaqi, Al-Nawawi et Ibn Hajar. C'est-à-dire qu'il a fait une généralité, que n'importe quel savant il fait une erreur, quelle que soit l'erreur, alors il est excusé et on ne le rend pas innovateur et on ne le délaisse pas. Et à partir de là, il n'y a plus d'innovateur. Parce que si l'innovateur était parmi les gens de la Sunna, alors il ne tombe jamais dans l'innovation. Parce que qu'est-ce qu'il fait tomber dans l'innovation et qu'est-ce qu'il fait devenir innovateur si ce n'est qu'il est tombé dans des erreurs qui l'ont fait sortir de la Sunna et qu'il n'est pas excusé pour ça. Cheikh Al-Najmi donc réfute ça en disant « Ceux-là sont tombés dans l'interprétation de certains attributs et possèdent des écrits importants et profitables. De ce fait, les gens de la Sunna et du groupe virent le besoin des gens à profiter de leurs livres en dehors de ceux dans quoi ils sont tombés comme innovation. On met donc en garde les étudiants contre leurs innovations et on profite de leurs livres, à l'exception de leurs erreurs. Quant à dire qu'ils sont excusés, qu'ils ont été excusés, c'est-à-dire que les gens de la Sunna ont été les ont excusés, dont ceux qu'ils ont interprétés comme attributs et mirent en garde contre le fait de citer le fait qu'ils ont commis une innovation, alors non à ce que je sais. C'est-à-dire que Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, il démontre que personne parmi les gens de la Sunna, ils les ont excusés et ils ont dit que ce qu'ils avaient fait, c'était pas grave. Mais c'est une innovation et c'est quelque chose de grave. Mais on profite de leurs autres écrits. Et Al-Allama Al-Fawzan, rahimahullah, wa hafidha, dit, en parlant de cette règle également, certains prêcheurs disent ne citez pas le tawhid, et ils se nomment eux-mêmes prêcheurs. Ils disent ne citez pas le tawhid, ne faites pas fuir les gens, laissez-les sur leurs croyances. Nous nous assemblons sur ce sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres sur nos points de désaccord. Ils appellent cette règle la règle en or, alors que c'est une règle taroutiya. C'est une règle du diable. Ne citez pas aux gens le polythéisme et la mécréance, laissez les gens libres de leurs croyances, mais nous nous assemblons et nous entraînons et nous réfutons seulement les athées, les hypocrites et les communistes. Mais entre nous, laissez chacun sur ce qu'il suit, c'est-à-dire entre ceux qui prétendent l'islam. Ce n'est pas permis de dire ça, il n'est pas possible de se mettre devant les mécréants, les athées et les hypocrites alors que nous sommes dans cette situation. Qu'a dit un juif au messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a su l'erreur de certains, c'est-à-dire certains sahaba, il a dit le juif, vous associez, vous dites ce qu'Allah veut et ce que Mohammed veut, et vous dites par la Kaaba, c'est-à-dire il jurait par la Kaaba. Regarde ce juif, il a blâmé cela et s'en est servi contre les musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur interdit cela, mais il leur dit de dire ce qu'Allah veut seul. Et de dire par le Seigneur de la Kaaba. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit tu n'es qu'un juif, nous n'acceptons rien de toi, mais plutôt il a accepté cela de lui et il a interdit. Et il n'a pas excusé, ils ne se sont pas excusés les uns les autres, les musulmans, sur ces choses-là, sur ces points de désaccord. Donc ça, c'est ce qui m'a été permis de réfuter et de démontrer sur la fausseté de cette règle, innover, et il découle de cette règle beaucoup de règles, mais malheureusement on n'a pas le temps. Il découle beaucoup de règles parmi les règles qui ont été citées dans l'Ibana de Mohamed Al-Imam et également qu'a cité Al-Abbad dans son livre. Donc des règles innovées qui sont des règles de base pour les grandes têtes de la Hizbiya de notre époque, comme Abul Hassan ou Al-Halabi ou Al-Mahrawi ou Al-Adani. Et ce sont des règles qu'ils suivent, qu'ils les prononcent ou pas. C'est-à-dire leurs actes, ils montrent qu'ils suivent ces règles-là. Dont cette règle, nous nous excusons les uns les autres sur nos points de désaccord. Quand on voit les fatwas batila, les fausses fatwas de Ubayd al-Jabiri, et qu'aucun d'entre eux ne parle, et lorsqu'on voit Mohamed al-Madkhali qui parle sur Cheikh Mourbil, l'imam, du Yémen de cette époque alayhi rahmatullah, et qui dit Juhaymani, où les uns les autres ils critiquent et ils parlent sur ce grand imam de notre époque, et on voit aucun blâme de cette secte immonde, la secte d'Al-Adani, parmi ceux qui prétendaient aimer Cheikh Mourbil comme ils prétendent. Nous on aimait Cheikh Mourbil et on aimait Damage avant que Al-Hajouri vienne. Et ben on voit qu'ils appliquent complètement cette règle et qu'ils ne se parlent pas les uns sur les autres sur leur batil, sur leur faux et leur égarement. Mais le muslim, le sunni, salafi, il cite ce qu'il y a sur lui et ce qu'il y a contre lui. Et c'est ainsi qu'étaient les salafs. Et il ne prétend pas la perfection et il ne prétend pas l'infaillibilité. Et il sait qu'il fait des erreurs. Et quand il fait une erreur, il revient. Et il ne s'enorgueillit pas comme cela. وَلِيَدُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ